Maar het is een saai om maken dat jij lopen. Laat je patrie. Kan dat laat je patrie? Ik heb 1 van 5 is goed voor 2000. Ça devient une secte. Sans trop d'efforts, tu m'as fait passer. Et ça devient difficile. Ah, t'envisages un lendemain sans toi. Je perds le nord quand je suis pas dans tes bras. Si c'était à refaire, je choisirais encore. Bébé, dis-moi. Entends-tu ce que veut te dire mon cœur? Bébé, dis-moi. Seras-tu toujours la cause de mes pleurs? Dans la peau, toi seul connais les mots pour m'apaiser au petit léalot. Je t'entrerai dans la peau, toi seul connais les gestes pour m'apaiser au félix à l'eau. Oh, détenteur, mon âme, je te donnerai tout pour amour. Quand tu me dis, n'aie pas peur, mon bébé, c'est ce que je préfère. Ah, détenteur de mes peurs. Toujours là quand je crie au secours. Tes gestes remplis d'amour, mais tu ne le dis pas. Bébé, dis-moi. Entends-tu ce que veut te dire mon cœur? Bébé, dis-moi. Seras-tu toujours la cause de mes pleurs? Bébé, dis-moi. Ce que ton cœur me dit tout bas. Bébé, dis-moi. Ce que ton cœur me dit tout bas. Dans la peau, toi seul connais les mots pour m'apaiser au petit léalot. Je t'entrerai dans la peau, toi seul connais les gestes pour m'apaiser au félix à l'eau. Avec toi, le jeu de l'eau, bébé, dis-moi c'est mort. Avec toi, le jeu de l'eau, je veux entendre tes mots. Avec toi, je me jette à l'eau. Bébé, dis-moi si tu m'as. Avec toi, je me jette à l'eau. Bébé, dis-moi si tu m'as. Loyalty business.